219 années et des poussières que mes pierres sont posées fermement sur la terre pour les prières des pieux et les adieux aux frères, les baptêmes et vœux, j'aurai de quoi être fier. Mais ça fait bien longtemps que le confessionnal sert de cagibi, de cabane à outils, l'eau bénite est croupie, depuis le temps c'est normal, les fidèles sont ici moins nombreux que les souris. Si je laissais tout tomber pour devenir un cinéma, au moins les gens viendraient, ce serait déjà ça. Les vitraux recouverts par des affiches de films, un nouvel univers du popcorn et la clim. Mais quand commencera un autre navet rentable, mon cœur s'assombrira en même temps que la salle. Les amoureux pour sûr dans le noir s'embrassent, la question que mes murs soient une maison de passe. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. La brasserie du quartier d'à côté est mieux lotie. Moi et mes retraités habitués, on a l'air petits. Surtout que les petits vieux, ils sont bien sympathiques. Mais chaque mois j'en perds de ces mathématiques. Être un salon de thé, ça ce serait ma veine. Un endroit gentil et aux odeurs de verveine, dans le calme élégant du bruit des cuillères et des murmures des gens pas encore au cimetière. Ça dérivera en un café-concert, il n'y aura qu'un pas pour qu'on y serve de la bière. Les alcooliques pour sûr ne chantent pas les vertus, la question que mes murs soient ceux d'un PMU. Et des poussières que mes pierres sont posées fermement sur la terre pour les prières des pieux et les adieux aux frères, les baptêmes mes vœux, j'aurai de quoi être fier. Verser les siècles, mais là c'est morbide. Je préférais les bigotes que de voir ces bancs vides. Les hypocrites n'étaient peut-être pas sincères, mais ils venaient le dimanche avec leurs compères. Je suis une église abandonnée, où sont passées les âmes à sauver. Si ce n'est pas moi qui me charge de ça, eh bien alors, qui le fera? Je suis une église abandonnée, où sont passées les âmes à sauver. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba